notre première scène, on va en profiter pour décrire le arc un petit peu plus. Je veux que chaque personne décrive où est-ce qu'ils habitent dans le arc, puis qu'est-ce qu'ils font dans une journée comme normale, tu sais. Je suis quand même pas loin du fond, là. Je suis pas loin de... T'es pas loin du bottom, OK? Ouais, c'est ça, je suis pas loin du fond. Et je sais que, tu sais, je suis pas loin, pas trop loin de moi. Il y a des, y a du monde qui va à l'église, là. C'est ça. Puis, ben, c'est juste que c'est fatigant. J'espère vraiment pouvoir bientôt monter de logement, là, plus haut. Parce que là, je suis juste des pauvres, là. Puis, les pauvres, tu sais comment que c'est, les pauvres, là. Puis... Puis moi, je sais que je mérite mieux que ça, tu sais. OK, fait qu'il habite plus bas dans l'aircraft carrier. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il peut pas habiter plus haut? Qu'est-ce qui l'empêche de monter? Ben, j'ai eu des problèmes à m'amener avec du monde, là. Puis il y a des gens qui veulent pas trop que je monte, là. OK, c'est... that's enough. C'est assez clair. Mais je te disais, dans la journée, je m'en vais rencontrer des gens, puis je fais des deals, puis je jase aussi, là, je fais jaser parce que c'est important de garder les connexions, hein. Faut être sympathique pour que les gens ils veulent faire du business avec moi, fait que je vais jaser surtout au monde. Fait que t'as tellement l'air de marchand de fausses teintures. J'ai des... Il a été trempé dans le goudron un peu né, là. Il est allé dans les bas niveaux, genre. C'est ça. Parfait, toi t'es plus comme ton average day, c'est t'essaies de faire des deals, genre tu vas acheter des trucs à quelqu'un pas cher pour les revendre plus cher à quelqu'un d'autre, puis ouais, mais c'est pas toujours directement de la business, c'est beaucoup du c'est juste qu'il faut que je garde mes contacts, que j'entretienne mes contacts. T'établis un network, okay. Ouais. Où est-ce qu'il hang out Felipe d'habitude? Ben je connais pas toutes les places, mais genre you can make it up, genre, café dans son market. Fait qu'il reste comme genre sur le deck du genre sur la piste d'atterrissage, tu sais, c'est là qu'il y a genre l'espèce de market, là, on dirait, right? Ouais, c'est juste en dessous, c'était en dessous, c'est l'hangar. Ouais, je suis plus là-dedans, c'est là qu'on révèle le market style. What about Cousteau? Where does Cousteau live? Oh, ben dans mon solarium. Dans ton solarium? Sur le top du fucking paquebot. OK. Puis qu'est-ce qu'il fait Cousteau dans une... D'habitude, dans une journée. Dans une journée. C'est quoi son passe-temps? Le matin, je m'en vais dans mon solarium. Je mange là, whatever. Après ça, toute la journée, je pars dans la zone. OK. Puis je reviens avant la tombée du soleil. Puis je finis ma soirée en faisant de la poésie, puis des nice flows. Fait que d'habitude, Cousteau, il est pas vraiment dans l'arc. D'habitude, il reste pas loin du arc, mais il est genre dans le swamp, là, puis... Ben ça c'est la journée, okay. Sinon lui son spot, ben c'est genre sur le top du bateau là, dans son spot. Alright, what about Marl? What's his... Ça a l'air de quoi où est-ce qu'il habite dans le arc? J'imagine que c'est crissement paumé parce que j'ai un homme mole rat qui s'est fait torturer pis que... Je suis entre deux jobs. Mon ancien job s'est fait tuer. J'espère qu'il se présente comme ça à tout le monde qui rencontre. Hey, my name is Marl, I'm between jobs. I'm between jobs. Dans l'apocalypse. So good. Okay. I'm a stay-at-home mole rat. Mais je sais pas, le matin, je me lève puis je vais voir dans le marketplace des vendeurs qui font des deals louches puis je les intimide. Tu fais comme, pendant le jour, tu runs un racket de protection, là, si j'ai compris. Genre, en fait, je pense que je suis attiré par la faction militante, sauf que je suis pas vraiment dans la faction, genre. Fait que des fois, je fais juste donner mon 2 cents avec mon hideous face, pis genre, souvent le monde. Tu vois, le Legion, on a dit qu'eux autres, genre, ils hang out dans un. Ils hang out, tu sais quoi, c'était un bar qui était comme construit dans un chinook, c'est ça? Un chinook? C'est un gros hélicoptère. Ok. Ouais. Ok. Si on le met entre nous deux, on va se faire. Ouais, après ça, je passe voir le monde de la Legion, juste parce que. Trop lazy, man. Pis toi, Max, qu'est-ce que Bertrand, où est-ce qu'il reste? Ouais, c'est ça. Où est-ce que Bertrand va aller en chercher? Ça dépend, il est où la Bird the Dog? Où est-ce qu'il se promène dans l'arc? Il n'y a pas vraiment de Bird the Dog qui se promène. Non, mais parce que c'est le même qui. Parce que c'est le même qui en parle dans les. Tunnel Snakes. Genre. Ils sont à l'extérieur du arc, ils sont pas dans l'arc. We are the Tunnel Snakes. Mais t'as genre 4-5 dogs qui débarquent. Tout le monde qui chill, connerie. Genre 5 chiens qui arrivent, ils mangent un tout. Il y a probablement bien des mutants dans l'arc qui ont genre des dogs comme pets. Ouais. Tu sais, qui seraient pas plus dans les lower levels, pis sinon il y a genre des dogs qui sont comme. On pourrait pas avoir des dogs, genre. Il y en a avec un butterfly knife. Non, mais il y a un pack de dogs souvent qui se tiennent dans le market parce que genre ils vont comme ramasser de la bouffe là où il va de la bouffe du monde pis. Ah, fait que dans le fond, moi, ouais, genre, au lieu d'habiter sur le paquebot en tant que tel. Moi, j'habiterais peut-être plus genre dans le building écroulé qu'on se sert comme entrée. Ah, yo, ça c'est wise. Ça c'est wise. Parce que c'est là que j'aurais plus de chances de croiser les dogs, pis genre, moi, c'est les dogs que je préfère que le monde. Dans le fond, c'est peut-être. Dans le fond, je devrais peut-être être sur le top du building à place d'être sur le top du paquebot. Mais tu serais plus visible à tout le monde, pis tu veux te cacher. Sur le top du building, tu vois? Parce que tu serais à la visible du main deck. Genre. T'es comme plus loin, t'es plus bas. Parce que le top du building est à peu près flush au main deck, genre. À peu près. Parce qu'il y a crush dans le bateau. Go Nakey, il y a un arbre sur le top du building. C'est quoi cette affaire-là? Mais en même temps, juste une question, genre, tu sais, les mutations pis tout ça, genre, le monde sont. Il y a pas comme. Tu peux être, j'imagine qu'un paria où genre le monde peut moins le voir, mais tu sais, en même temps, le monde va pas chasser quelqu'un qui a une mutation. Genre. Non, tout le monde est un freak. Okay, ouais. La classe sociale la plus basse que tu peux être, c'est un slave. Il y a deux types de slaves. Someone owns you, littéralement, t'es leur slave, tu leur appartiens. Ou sinon, t'as juste fait comme, ben, je vais travailler pour toi, je vais faire tout ce que tu veux, puis tu me donnes genre de la bouffe, des bullets, ça. Fait grosso modo, ok, ouais, on est comme, c'est comme l'entreprise, mais avant, genre, ouais, le slave, ça peut être un job. Ouais. Ouais, ok. Mais ouais, je comprends. C'est comme. Il y a différentes sortes de slaves. C'est un peu les Holden Days, là, ouais, genre. Ouais, ça. Ok, fait que. Genre les Metecs. Genre, c'est une case de slaves dans l'Empire romain, okay, mais qui était comme à moitié libre, genre. Ok. C'est comme des slaves du Sénat, plus que des slaves de, comme, t'es une propriété de quelqu'un. Ça serait un bon exemple, j'imagine.